Le plus difficile, c'est de pouvoir convaincre des gens de mon pays, surtout les nationalistes par exemple, de l'intérêt de défendre les droits de l'homme et de la valeur que les droits de l'homme ont en fait. Parce que malheureusement, en ce moment, les droits de l'homme et les organisations de défense des droits de l'homme sont synonymes avec de l'impérialisme occidental. On reprend malheureusement encore une fois dans l'Occident aussi des idées comme le fait que les droits de l'homme ne sont pas vraiment universels et que c'est des constructions occidentales. Effectivement, rien n'est parfait, mais c'est mais ça mais de nier en fait l'importance des droits de l'homme, cela légitimise complètement les abus faites par les dictateurs partout dans le monde, et Abdel Fattah Sissi en fait partie, je pense, qui a décidé d'interdire les ONG et tous les organisations de défense des droits de l'homme.